Sont-ils des geeks? Sont-ils fanboys? Sont-ils des otaku? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés, animée par Teddy et Fabien. Bonjour à tous, nouvelle pastille des potes calés qui reviennent un petit peu en forme et qui pour une fois vont dire du bien de Star Wars. Eh oui, ça arrive de temps en temps, hein, t'es dit, de penser du bien de Star Wars. Ouais, mais ça arrive que quand ils font un truc bien, donc ça arrive pas souvent. Donc voilà quoi, vous avez un petit peu deviné ce que c'était, on va parler de la série The Mandalorian, une série qui avait débuté il y a quelques mois déjà et qui avait été diffusée sur Disney+, qui avait quand même engrangé pas mal d'abonnés avant qu'ils foutent le camp, on va dire. C'était d'ailleurs notre petite anecdote dans une dernière émission. Disons que les mecs, ils ont fait l'essai gratuit, ils ont regardé Mandalorian, ils sont désinscrits. vu le catalogue quand même redondant de Disney+. Là n'est pas le propos. Le propos, c'est de un peu présenter cette série qui est produite par Jon Favreau. Donc Jon Favreau, on le connaît bien parce que c'est quand même il est quand même un peu l'initiateur de l'univers du MCU, avec notamment Iron Man en 2008. Le très bon Iron Man, je pense que tu seras d'accord comme moi de dire qu'ils avaient quand même pris un bon départ, le MCU. Ils avaient pris un risque, et ouais, comme tu dis, c'était un excellent départ, parce que même sans vouloir mettre les bases d'un MCU, ils avaient quand même réussi à faire un film de super-héros qui tienne la route. Et puis ensuite, il a fait Iron Man 2 qui était moins glorieux, on va dire. Ensuite, on l'a vu revenir plusieurs fois dans le rôle de Happy Hogan dans les divers films Marvel. Et notamment, sa dernière apparition, elle date de Spider-Man Far From Home, dont on pourrait entendre notre critique plutôt négative, on va dire. Ouais, on va pas revenir dessus, ça vaut pas le coup. Non, c'est sûr. Mais bon, Jon Favreau, qui est pas seulement acteur ou réalisateur, hein, il est aussi producteur. Et puis, en tant que réalisateur, il a fait quelques films aussi, notamment beaucoup d'adaptations des animations, des films d'animés de Disney, comme le Livre de la Jungle, il me semble. Et on va un petit peu parler de la distribution. Alors, la distribution, on retrouve Pedro Pascal qui endosse le casque du Mandalorien. Pedro Pascal qu'on avait vu dans Game of Thrones et qui revient régulièrement au cinéma maintenant, vu qu'on le verra en super vilain dans Wonder Woman 1984. C'est lui qui jouera Maxwell Lord. On en parlera plus quand on fera la chronique sur Wonder Woman. Un film qu'on attend quand même, hein, Teddy. Cette année, ouais, c'est un des rares films qu'on attend, on va dire. C'est vrai que la proposition est assez pauvre, hein, en termes de blockbuster cette année, je pense. Mais bon. Et puis ensuite, on a, je dirais que le deuxième personnage le plus important, c'est le personnage de Cara Dune. Donc cette guerrière qui sait manier le flingue aussi bien que le coup de pied. Elle est jouée par Gina Carano, qui est une ancienne combattante de MMA, qui est devenue plus tard actrice. Donc, quand même quelqu'un qui se défend assez bien physiquement. Ensuite, on a le personnage de Quill. Alors, Quill, c'est l'espèce de... Comment le décrire ? C'est ce petit personnage qui n'arrête pas de dire « Ainsi j'ai parlé ».« Ainsi ai-je parlé ». Oui, « Ainsi ai-je parlé ». Il a un peu une tête de cochon et c'était une race qu'on avait vue brièvement dans Le Retour du Jedi, notamment dans cette scène où Chewbacca récupère... Non, c'est dans L'Empire Contre-Attaque, je me prends les références. Notamment cette scène où Chewbacca récupère ses 3PO dans l'espèce de four de... où il brûle les vieilles carcasses de robots, tu sais, sur la Cité des Nuages. Enfin, c'est une scène qui est pas très marquante, mais bon. Mais voilà, quoi, pour le petit, on va dire que c'est un premier clin d'œil. Donc, Quill, qui est joué par l'acteur, cet acteur qui est assez imposant, d'ailleurs, qui est Nick Nolte. Et je sais pas, tu connais un petit peu Nick Nolte, non ? Non, pas du tout. Alors, moi, au niveau des acteurs... Donc, Nick Nolte, si pour vous le diffuser, c'était le compagnon de Eddie Murphy dans 48 heures. Je sais pas si tu l'avais vu, 48 heures quand il était poursuivi par des espèces de truands, Eddie Murphy qui est un peu une espèce de un peu de louche, quoi, on va dire. Enfin, Nick Nolte est quand même connu. Je pense que c'est son rôle le plus important, c'était dans 48 heures. Ensuite, on a le personnage de... Je dirais que c'est un... J'ai un peu du mal à les donner par ordre. je pense que je parlerai aussi de personnages qui sont par ordre d'importance que par ordre de casting, c'est-à-dire qu'on a le robot IG-11. Alors IG-11, c'est un dérivé du chasseur de primes qu'on a vu dans l'Empire contre-attaque, justement, IG-88. Donc c'est la même construction de base. Et ce robot, il est doublé par Taika Waititi, qui était le réalisateur de Thor Ragnarok. Ouais, qui faisait Korg dans Thor Ragnarok. Tout à fait. Donc lui, il aime bien doubler tous les personnages un peu virtuels. Et donc ce personnage qui va revenir par deux fois, mais on va développer. Faut aussi se dire qu'on va quand même spoiler pas mal certaines intrigues. Bah là, on va être obligé, sinon ouais. On pourra pas avancer sur la critique. Donc, ouais. Et puis on a le personnage incontournable, c'est l'enfant. Alors, qui a été surnommé sur les réseaux sociaux Bébé Yoda, et on en parlera aussi de celui-là parce que il a son importance aussi dans les 8 épisodes. Mais on va commencer par, je te propose de commencer par un premier avis sur l'avis global et puis me dire ce que t'as pensé de cette série, de son fonctionnement, de sa construction narrative, de la réalisation, enfin de tout ce que tu veux, quoi. Bah, cette série, elle est franchement, voilà, quand on compare l'univers Star Wars au niveau de la série qu'ils ont faite Mandalorian et l'univers Star Wars avec les 3 derniers films de sortie, c'est pas comparable en fait. C'est-à-dire que dans la série, on nous emmène plus dans un... Ouais, j'ai du mal à dire road movie, mais enfin, ça fait carrément un western. C'est des épisodes de... Bon, il y a un fil rouge, mais je veux dire, tu peux quand même les suivre dans le désordre, comme dans les séries des années 90, quoi. Et voilà, t'arrives à mieux adhérer à cet univers de Mandalorian que le dernier univers Star Wars qui nous ont servi à la soupe réchauffée. Et c'est quelque chose qui est assez plaisant à regarder malgré beaucoup, beaucoup de facilité scénaristique. En même temps, comme tu disais tout à l'heure, en 40 minutes, tu racontes pas la même chose qu'en une heure, quoi. Donc, c'est un peu le problème du format d'une série qui, quand je dis 40 minutes, je compte aussi le générique de fin où on voit tout. On voit notamment tous ces artworks qui ont été réalisés par... J'ai trouvé que c'était assez plaisant de voir justement le travail des artistes qui étaient faits derrière, avec des scènes qui sont parfois alternatives. On voit quand même où les personnages vont. Il y a quand même une construction narrative qui est quand même bien faite. On a des épisodes qui se suivent aussi. Il y en a aussi des indépendants, mais qu'en 8 épisodes. Faut quand même suivre les 8 épisodes pour comprendre ce qui arrive au fur et à mesure. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais... Bah, disons que on en reviendra plus sur la fin, mais voilà, il y a des personnages qui reviennent. Si t'as pas vu les épisodes dans l'ordre, ça risque d'être assez gênant. Mais sinon, l'ordre. Ouais, il y a un peu d'ordre, mais voilà, tu peux quand même comprendre, même si t'as pas suivi dans l'ordre. Enfin, après, c'est une série, c'est quand même mieux de la suivre dans l'ordre, comme dans toutes les séries. C'est sûr. Non, bon, au niveau construction narrative, comme je le disais, on a 8 épisodes qui se suivent, avec beaucoup quelques parenthèses. Entre deux, on va peut-être resituer un petit peu l'histoire, parce qu'on n'a pas raconté. C'est que le Mandalorien est un célèbre chasseur de primes, qui rappelle un autre chasseur de primes, qui est quand même assez connu dans l'univers Star Wars. Ça commence par B, ça commence par Boba, et ça finit par Fett. On vous a pas dit qui c'est. Hein. Voilà, donc il a le look du Mandalorien, et il faut savoir que le Mandalorien, il est un peu sans... il fait pas de détails hein, quand il attrape les proies, entre guillemets, on va dire. C'est que il fait pas de détails, il les ramène, et peu importe ce qu'elles deviennent une fois qu'il les a livrées, quoi. Bah, il remplit sa mission, comme ils disent dans le... Pas le syndicat du crime, mais dans... Je sais plus comment ça s'appelle. La guilde des chasseurs de primes. Voilà, ils ont un code, et puis ils appliquent le code. Et puis, j'avais oublié justement de parler de ce chef... Du chef de la guilde, justement, c'est un acteur très connu, vu que c'est Carl Weathers qui incarne Apollo Creed dans les Rookies. Tu l'avais reconnu, au moins? Même pas. Ah, il a eu. Pourtant, je trouve qu'il a un peu gardé la même tête. Mais bon, il a beaucoup de charisme, hein, cet acteur, d'ailleurs. Voilà, quoi. C'est un acteur aussi important que les autres. C'est que il doit se comporter au code de la guilde, mais il doit aussi respecter les traditions d'une espèce de société secrète qui est les Mandaloriens, quoi. Parce que c'est quand même une race qui a été, une espèce qui a été éradiquée par l'Empire. Et pas que l'Empire, ça on va l'apprendre plus tard aussi. L'Empire, et puis et lui, ce qu'on voit, c'est que c'est un enfant qui a été adopté justement par ces personnes, qui a été élevé, ses parents ont été massacrés, et ça on le voit dans le premier épisode, hein, c'est pas tellement un spoiler. Hein. Non, c'est pas un spoil. Lui, il a grandi parmi ses guerriers, parce que ce sont de vrais guerriers. Hein. Ils ont des techniques de combat qui sont quand même assez rustres. D'ailleurs, ils ont d'ailleurs dans l'univers Star Wars, ils ont une réputation d'être solides et ils sont craints, quoi. Je veux dire, quelque part, on le sent bien dans les épisodes. Ils sont, ça va le dire plus tard, mais ils sont à la hauteur de Jedi. C'est ça. Voilà, quoi. Et puis, dans le deuxième épisode, c'est ce qui se passe, c'est que, ils découvrent à la fin du premier épisode que sa proie est un enfant. Enfin, un enfant qui a déjà quand même 50 ans, qui développe quand même pas mal de pouvoir vis-à-vis de la Force. Ce qui est un peu facile aussi, là, moi, j'ai trouvé. Voilà, hein, c'est un autodidacte de la Force. Ouais, ouais. Hein. Carrément, donc, et cet enfant, justement, il fait partie de la race de Yoda, qui n'est jamais nommé, hein, que ce soit dans les fiches techniques ou dans les... C'est une race inconnue. L'espèce de Yoda reste inconnue. Ils ne l'ont pas nommé non plus pour cette... cet enfant, il est traqué par les sbires de l'Empire, par une espèce de client qui veut justement faire des... moi, j'ai compris que c'était des expériences génétiques dessus. Hein, Moi, j'en ai conclu que c'était des expériences génétiques. Après, c'est bizarre ce qu'on nous explique pas, parce qu'à un moment, il se fait... il va le récupérer, puis on sait pas trop ce qu'ils sont en train de lui faire. Et le mec, il dit, calme-toi, moi, j'essaie juste de le sauver, parce que les autres veulent le tuer. Ouais. Et après, ils reviennent plus dessus. Donc, tu sais pas trop. Non, tu sais pas, ça développe pas, mais on sent qu'ils veulent quand même exploiter le potentiel génétique de la créature, j'ai envie de dire. Pour justement, peut-être, pouvoir l'injecter dans leurs soldats, et qu'ils aient justement les pouvoirs. Est-ce que ça a rapport avec les midi-chloriens? Alors ça, on n'en parle pas du tout. On n'en parle pas du tout. On ne sait pas. En tout cas, c'est sûr que l'espèce de Yoda est très, très mature, très jeune, très réceptif par rapport à la Force, quoi. C'est-à-dire que cet enfant, il est quand même terrifiant quelque part parce que il peut soulever quasiment n'importe quoi. Il peut étrangler des gens s'il a envie et il peut même guérir des gens. Ouais, voilà. Il a les mêmes pouvoirs que Rey, quoi. Ouais. C'est ça. Hein, c'est. Ouais. Sauf qu'il a pas besoin d'apprendre apparemment. Non, c'est inné. Chez eux, c'est inné apparemment cet apprentissage. Donc ça donne lieu à quelques séquences assez impressionnantes parce que même si on se démarque de ce côté Jedi versus Sith où il y a toujours l'Empire. Mais on explore plus ce côté mercenaire, côté westernien dont on parlait tout à l'heure d'ailleurs, côté un peu l'homme sans nom, tu sais, Clint Eastwood dans la trilogie des dollars, c'est un peu ça, le Mandalorien. Ça fait un peu, au même mon nom et personne, c'est-à-dire que il se revendique pas, il fait ses missions, il fait ce qu'il a à faire et... Ouais, derrière, il fait plus rien, quoi. Totalement anonyme. De toute façon, on apprend son nom dans les derniers instants, vraiment dans le dernier épisode, quoi. Tout est révélé. Voilà, quoi. Mais c'est le parcours d'un guerrier qui finalement se trouve une conscience parce que il va aller délivrer ce petit bonhomme là et il va l'emmener et puis il va essayer de le protéger un peu comme si c'était son petit frère, quoi. C'est un orphelin, donc il va aider un autre orphelin, c'est juste ça, hein. Il se reconnaît là-dedans, quoi, en fait. Il se reconnaît dans bébé Yoda et puis, puis il se dit c'est un orphelin, moi je vais l'aider, comme ça je vais aider ceux qui m'ont aidé quand j'étais orphelin, quoi. Ouais, mais il y a quand même un fait, c'est que il se met quand même à dos la guilde des chasseurs de primes. Et il se met à dos l'Empire aussi, quelque part. Donc ça fait qu'il est traqué et que lui, il endosse le rôle de proie plutôt que de chasseur, tu vois. Maintenant, il doit faire gaffe au moindre de ses mouvements parce qu'il sait qu'il est traqué, parce que comme il est devenu le protecteur de l'enfant, il y a les Mandaloriens qui l'aident. D'ailleurs, il y a cette très belle scène où ils sont tous en jetpack, là. J'ai trouvé ça magnifique, cette scène magnifique visuellement, cette scène d'action qui détonne vraiment avec des... Tu vois, cette scène qui dure quoi, peut-être 5 ou 10 minutes, mais elle détonne vraiment avec les scènes d'action qu'on pouvait avoir dans la post-logie qui sont vraiment pas passionnantes, quoi, tu vois. Là, t'étais vraiment accroché, quoi. Je sais pas ce que t'as ressenti avec cette scène, quoi. Ça fait des scènes qui font plaisir à voir, comme tu dis. Puis c'est pas... Voilà, il est seul contre tous, mais tu vois, l'esprit de corps des Mandaloriens aussi, quoi. C'est ça. C'est fort intéressant, mais je trouve que dans la série c'est pas trop développé cet aspect pas secte, mais société secrète, tu vois. Ouais, c'est une société secrète et puis ils sont clandestins et puis enfin il se fait aider quand même pas mal parce qu'il se fait rénover son armure. Mais c'est à lui de trouver les ressources pour le faire, quoi. En fait, il se fait au mérite chez eux, c'est-à-dire qu'il a pas de blason parce qu'il le mérite pas, il a pas de jetpack parce qu'il le mérite pas. Il faut qu'il prouve qu'il peut être un Mandalorien pour avoir on va dire les équipements nécessaires. Mais il est même très méprisé par ses congénères parce qu'ils lui disent t'es un vendu, tu bosses pour l'Empire, tout ça. Et puis bon, finalement, quand il se retourne contre l'Empire, ils viennent l'aider parce qu'ils voient que finalement il s'est trouvé une conscience et que finalement. Mais on voit que le fait que il y a cet enfant là, il repense souvent à ce qui s'est passé avec ses parents. Tu vois, ça lui, il y a des réminiscences de son passé qui font que on voit que. Et puis l'acteur, je trouve que même s'il porte le casque, il est très expressif dans sa façon de bouger. Sa gestuelle est très expressive. Ouais, ouais. Et puis on sent même derrière le casque, on sent le jeu de l'acteur quand même, moi je trouve. Enfin, c'est peut-être illusoire, mais je trouve que ça passe bien. Enfin, puis c'est vrai que s'il avait pas tous ces personnages un petit peu atypiques quelque part, parce qu'on n'a pas l'habitude d'aller les voir non plus, que ce soit le petit Quill, on va dire, on va les appeler par leur prénom. Il y a la guerrière aussi qui est très bien aussi. Et puis t'as le chef de la guilde, bon, qui finalement lui en mi-saison lui propose de revenir parce qu'ils ont des problèmes avec l'Empire et que ceci, cela, quoi. Ouais, enfin, ouais. Voilà. Enfin, il y a des facilités là-dedans, ouais, aussi. Hein. Ils veulent piéger, et puis, bon, bah, il y a bébé Yoda qui le soigne, et puis, ouais, du coup, il dit, bon, bah, allez, va, je vais tenir avec toi pour, ouais, voir comment, ouais, tu fais. C'est un peu, tu te rappelles pas l'histoire du chasseur de primes dans Star Wars 9? Tu sais, quand elle veut tuer Dameron et que, tout d'un coup, elle dit, ah, bah, t'es sympa, je vais t'aider. Ouais, c'est ça. le Daft Punk, là. C'est ça, c'est le Daft Punk, ouais. Tout à fait. Il y a beaucoup de facilité scénaristique, c'est ça que je reproche le plus à ce, c'est que vers la fin, t'as l'impression qu'ils accélèrent le, il faut boucler, donc il faut accélérer le. Ouais, faut rusher. Il faut trouver un truc de dernière minute, quoi. Ouais, tu puis vois. Des coups, voilà, les ennemis qu'on t'avait montré, voilà, c'était pas les vrais ennemis, encore des ennemis plus, ouais, puissants derrière. Ouais, c'est et puis, ça. Voilà. Ça, ouais. C'est super classique d'une série. Mais il y a quelques bonnes scènes, je pense, notamment à ce scénario où il va justement aller délivrer une espèce de mercenaire, là, tu sais, sur la plateforme de la rébellion. Et après, t'as les rebelles, ils aillent, mais ils font pas de détails, hein, eux. Je sais pas si t'as remarqué. Eux, ils arrivent, la balise, elle est là, on explose tout. Allez, on va tout exploser. Merci, mon cul. J'étais un petit peu en mode. Mais qu'est-ce qu'ils font, là? Je sais pas, c'est la rébellion, c'est pas l'Empire non plus. Ah, puis ils enquêtent pas. Non, non. ils ont la balise, ils ont le truc. Ah, on va exploser la station spatiale. On explose. Puis on s'en tape, il y a plein de morts. Ah, tiens, c'est une station spatiale, tel machin. Oh, elle doit être volée, allez, on éclate tout. Et s'il y a des otages, on s'en fout, quoi. C'est vrai que j'ai trouvé cette scène, mais un peu débile, quoi, que limite, tu vois, parce que tu connais la rébellion, tu sais quand même qu'ils sont pour une certaine paix de. Enfin, moi, je serais atterri, mais bon. Puis en plus, ils répliquent, mais ils ont pas les armes pour répliquer contre les X-Wing. On le voit bien. Ils répliquent même pas. Enfin, ils ont même pas le temps de répliquer. Ils disent, bon, bah, c'est bon, on a trouvé la balise. Allez. Ils balancent, on défonce tout. Ils balancent les tirs. Et le truc explose. Et c'est fini. Ah ouais, là. Bon, on a spoilé un épisode, mais c'est tellement con, c'est très. On va être obligé. Obligé de spoiler les épisodes. Non, mais l'épisode en lui-même était pas mal fait avec les diverses trahisons. C'est pour et ça, tout. C'est super, ouais, inégal, quoi. Ouais. Je veux dire, voilà, ils arrivent à enfermer le Mandalorian en prison, qui arrive à se sauver, ouais, en 2 minutes. En plus. Il arrive à se sauver en 2 minutes, top chrono, il se barre. Et puis, enfin, et voilà, dans le vaisseau, il fait plein de trucs, ça dure longtemps, il y a de les mises en place, et à la fin, c'est coupé. On explose tout, fin. Voilà. Tout d'un coup, il y a les X-Wing qui arrivent, puis boum. Il a putain, là. Les mecs, c'est pas des X-Wing, et puis boum, boum, boum, boum, n'a plus. Alors, je sais pas, bah, c'est la nouvelle République, tu sais, maintenant, ils ont des méthodes un peu extrémistes. Maintenant, ils allument tout ce qui est pas rebelle, tu vois. Oh là là là là. Ça fait, on aurait dit un CRS qui tire d'abord et qui pose des questions après, quoi. Non, mais j'ai trouvé ça ridicule, mais bon. Mais bon, c'est du fan service, hein, de toute façon, les X-Wing, il fallait les placer à un moment. Je trouve que. On va justement parler du fan service, puisque je suis un peu dans le truc, de dire que bah, y a une belle poursuite quand même avec le Sandcrawler des Jawas. Moi, j'ai trouvé que cette scène, elle était pas mal montée, tout ça au niveau. Et c'est pour ça, c'est vachement inégal, ouais, parce que tu vois cette scène-là, elle est bien, quoi. Mm-hmm. Moi, au début, je voyais le truc dire, ah, bah, ça y est, il va escalader, il va tout défoncer, mm-hmm, il va rentrer, c'est un peu facile. Ouais. Non, c'est pas facile, tu vois. Voilà, il se fait jeter dehors et puis. Mais complètement, il se casse la gueule, mais ouais. Du coup, il doit aller demander conseil à Quill, quoi. Ouais. Donc, tu vois, c'est. Ah ouais, il doit repasser par. Tu vois, c'est. Il cherche quand même, quoi. Et puis, il y a des moments, ils cherchent plus, quoi. Ils y vont à la bourrin, donc. Ouais, c'est ça. Il y a des trucs bourrins, puis il y a des trucs. Il y a des trucs réfléchis. On est. Comme tu dis, il y a une espèce d'incohérence scénaristique, des fois, tu vois. Bah ouais, t'as les Jawa, ils demandent de l'argent, non. On veut ta combinaison, non. Bon bah va chercher un œuf. Tu te dis bon bah c'est juste pour bouffer quoi. C'est quoi? Ah, bon bah voilà. Alors que les Japonais on sait bien que eux généralement ce qu'ils veulent c'est du matériel quoi, c'est bah ouais. Récupère tout. Quand il revient qu'il voit son vaisseau qui est en train de se faire démonter là, c'était trop comique aussi ça. Ouais. Les Japonais moi il faut rigoler hein, mais même si c'est des chapardeurs quoi, ils grattent tout quoi. Même quand il dans l'épisode 4 quand il commence à démonter le speeder de Luke là, ouais. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, c'est les ferrailleurs de l'espace. Hein, c'est ça ouais. Il y a un truc qui traîne voilà. C'est ça les gens ouais. Bon, apparemment tu te promènes avec un œuf, c'est bon hein. Il te rentre ton vaisseau. Ouais, tranquille. Puis il remonte et tout. Ah bah non. Non, il l'a remonté avec Quill. Par contre, lui, regardez, il doit le remonter derrière. Ouais, c'est Quill qui a dû. Ouais, ouais, en plus, ouais. Bon, ça va, il est pas cher en maintenant. Ainsi ai-je parlé. Ouais, ouais. Non, mais il est sympathique, ce personnage, je trouve, de la façon dont il s'exprime et tout, ouais. Dans le fanservice, c'est, y a les Jawa, il y a le retour des X-Wing. Bébé Yoda, les ouais, Troopers, Yoda. Un sabre laser à la fin. Ah ouais, on faudrait peut-être qu'on parle du double épisode, mais on en parlera peut-être plus tard. On parlera plus à la fin. On n'a pas fait tout le tour non plus. Mais j'essaye un petit peu de me rémorer parce que. Nighty-Ity aussi. De quoi? Il y a un AT-AT aussi. Exact, ouais, il y a une espèce de. Ah ouais, il était pas mal cet épisode dans le village, là. Ouais, ça faisait un peu. Enfin, là, il voit de l'eau, Le problème, c'est que le scénario de celui-là, il est hyper téléphoné. Hein. Ah oui. On voit tout arriver de loin. Hein. Donc il y avait l'AT-AT avec les yeux rouges. Bah ouais. C'est un peu la redondance. J'ai pensé rondin de bois, tu sais, avec les Ewoks. Là, au moment, je me suis posé une question. Je me suis dit, il va peut-être avoir des pluches qui vont l'attaquer avec des bouts de bois. Non, mais je sais pas, quand ils enroulent pas à un moment des trucs autour de ses pattes, là, pour qu'ils tombent. Non, ils tombent dans le marais, hein, et ils glissent. Non, mais je veux dire, dans le Jedi, là. Ils balancent pas un truc pour qu'ils se cassent la gueule. Ah, je serais plus de dire. Avec les Ewoks, je serais plus de dire. C'est tellement ridicule, ces scènes avec les Ewoks, là, mais bon. Ouais, bah, tout l'épisode. Donc pas de Mandalorian, non, pas même Star Wars. Hein. On reste dans l'univers, on s'est pas éloigné, mais c'est parce qu'il faut contrôler de temps en temps. Quoi. Ouais, il y a toutes ces références. En fait, il y a une référence par épisode, mais je pourrais pas toutes les citer parce qu'il y en a tellement. Mais c'est l'univers Star Wars, hein, c'est propre à l'univers Star Wars. Mais t'as vraiment le truc avec cette série, c'était vraiment dépaysé de l'univers Star Wars classique. Bah tu vois, c'est en fait, comme tu dis, il y a du fan service. Ouais. Mais franchement, si t'es pas trop au courant de ce qui se passe dans Star Wars, bah je pense que t'arriverais à regarder la série quand même. Ouais, mais bon. Il faudrait quelqu'un qui soit complètement vierge de l'univers, tu veux dire. Tu le plonges là-dedans. Je sais pas s'il va adhérer, quoi. Bon, il y a des termes, il arriverait pas à adhérer, ouais. Comme Jedi. Ouais. Bon, qui c'est cela, ouais. Après, mais ouais. Est-ce que ça existe, quelqu'un qui connaît pas Star Wars? Bah, c'est ce que je suis en train de me dire. Si, à l'autre bout de l'univers, peut-être. Et encore. Peut-être dans une galaxie lointaine. Très lointaine. Non, parce que bon, c'est trop rentré dans la. Avant, c'était une franchise qui était quand même réservée aux geeks. Ouais, mais là, après, c'est complètement popularisé avec. C'est carrément dans la pop culture ouais. Maintenant. Star Wars, tu sais qu'il y a des sabres laser, des Jedi, ouais. Des méchants. Donc, voilà, quoi. Quelqu'un qui est vierge, c'est pas possible, de toute façon. D'ailleurs, dans la série, il dit pas c'est un Jedi, hein, le Mandalorian. Non, il dit c'est sorcier. Il dit non, il dit c'est ce petit, il a des pouvoirs télékinésiques, tu vois, il dit juste ça. Ouais, mais à la fin, il parle de sorcier. Et à la fin, c'est la forgeron qui dit oui, c'est peut-être, on en a connu, il dit qu'il manipulait les choses, c'était des sorciers Jedi qui ont exterminé les Mandaloriens. Je sais pas, j'ai pas compris ça, moi. Et bah, parce que même elle lui dit, faut pas. Parce qu'il lui dit, moi, je savais pas que c'était mon ennemi, cet enfant, hein, à un moment, le Mandalorian dit ça. Et elle dit non, c'est pas parce que en gros les Jedi ont été les ennemis des Mandaloriens que l'enfant est l'ennemi des Mandaloriens. Ouais, mais ils ont été ennemis, mais ils ont pas exterminé les. Ah, c'est ce que j'ai compris dans le film, c'est que c'était les ennemis des Mandaloriens. Non, les Jedi. Pour moi, c'est l'Empire qui a exterminé les Mandaloriens. Bah ouais, l'espèce de robot, tu sais, là, qui tue ses parents. C'était un robot de la trilogie, ça. Non, c'était un Cylon. Ouais, ça, il ressemble un petit peu, mais. Ah ouais, carrément. Mais. C'était un robot qu'on voyait dans la prélogie avec Obi-Wan et Anakin, tu sais, cette période-là. Et justement, je pense que c'était un robot qui était avec la Fédération, pas la Fédération, je sais plus comment ça s'appelle. La Fédération du Commerce, je crois, un truc comme ça. Ou, comment ils s'appellent? Les séparatistes, tu sais, avec Dooku, tout ça. Ouais, je vois. Donc c'était un robot de cette classe-là. Je crois même qu'ils sont sur le vaisseau au début du 3, là, avec celui qui... qui tourne ses sabres laser. Là, Grievous. Général Grievous, ouais. Je crois que c'est l'un des soldats, l'un des gardes de ce truc-là, avec quand ils arrivent sur le vaisseau au début. Là. D'ailleurs, une très belle scène d'ouverture, assez impressionnante, que je revois toujours autant avec plaisir. C'est au début, dans l'orbite de Coruscant, toi, tu sais, là. Je sais pas si tu te souviens. Si, quand ils perdent la moitié du vaisseau. Ouais, c'est ça, ouais. Ça va, il nous en reste une bonne moitié. Mais bon. Luke a dû se dire, Anakin a dû se dire pareil quand il s'est fait couper les bras et les jambes. Ça avait filmé les scènes d'action. Ce que ça ne pas faire Abrams et Johnson. Mais bon, les sauts on en a terminé. Je préfère encore Dwayne Johnson. Bon, on va pas non plus faire du hors-sujet. Bon, on est un peu obligé, hein, l'univers Star Wars, voilà, c'est un univers étendu. Mais on parlait du épisode 3 parce qu'il y avait aussi ce clin d'œil à la prélogie, il n'y a pas que à la trilogie classique, je vais dire. Mais dans l'ensemble, je crois que ça marche plutôt bien et on est quand même impatient de revoir... cette saison 2 qui va démarrer en octobre apparemment. Et on va peut-être parler de ce double dernier épisode, quoi, ce qui se passe vraiment, parce que il y a beaucoup de facilité scénaristique, hein, puis on va avoir de quoi troller là. Ouais. Bon, si vous n'avez pas vu la série, zappez, c'est clair, parce qu'on va essayer de spoiler. Bah là voilà, on va se contenter de la villa, on dirait que c'est une série à regarder. N'hésitez pas à regarder la saison 1. Et puis maintenant, on va spoiler à partir de maintenant. Vous pouvez couper le podcast. Ouais. Si vous n'avez pas envie d'en savoir plus. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont vu. Donc il y a très peu de monde qui vont nous écouter qui n'auront pas vu le Mandalorian. Vu que c'est fini, la saison est terminée. Il y a eu une bonne audience assez positive dans l'ensemble, je pense. Ouais, d'ailleurs, ils se sont crachés après qu'il n'y a plus le Mandalorian. heureusement qu'ils vont avoir les séries Falcon et Winter Soldier et WandaVision qui sont très peu intéressantes. On verra ce que ça donne. On y croit déjà moins que Mandalorian. Ouais. Alors, ce double épisode. Ils reviennent sur cette planète du début, en fait, où il y a la guilde, où il y a les Mandaloriens. Je me souviens plus de cette période. J'ai pas la mémoire des noms des planètes. Il y a trop de planètes. Je sais qu'à un moment, ils reviennent sur Tatooine. Il y a un épisode où ils reviennent sur Tatooine avec où ils ont les speeders dans le désert justement avec cette chasseuse de primes là qui ils sont recherchent. Il y a d'ailleurs la dernière scène, tu t'en souviens? Elle est à terre. Il y a quelqu'un qui arrive sur Tatooine. Ouais. Il y a eu beaucoup de spéculations qui disaient que justement ce personnage c'était Boba Fett. Mais bon, ça n'a pas été confirmé, mais ça se pourrait que ce soit un petit caméo. Voilà quoi, je vais revenir à cet épisode en disant qu'ils reviennent sur la planète. Donc ils se sont remis avec le chef de la guilde. Qui était là pour les piéger normalement. Ouais, aussi. C'est là qu'il est guéri. Ouais, parce qu'il se fait attaquer par des ptérodactyles, enfin, je sais pas. C'est vrai, il y a une espèce de... Ça fait un peu bizarre, ouais. Après, c'est le fan qui va... C'est le fan qui va parler, ils se font attaquer par Rodan. Ils sont quand même moins gros que Rodan. Hein. Des bébés Rodan. Ouais. Il y a eu bébé Yoda, on a eu bébé Rodan. Donc, moi, ça m'a fait plus penser à ce film Peace Black, je sais pas si tu l'as vu. Peace Black, ouais. Avec les espèces de trucs, les espèces de chauves-souris géantes qui attaquent les autochtones. Ils attaquent les de nuit. Ouais, de nuit, ouais. C'est vachement bien fait, je trouve, en fait, ce film-là. Donc, Peace Black, qui est la trilogie, issue de la trilogie de Riddick. Oui. Qui est pas trop ridicule. Le 2, ça va, mais après le 3, c'est du. Donc là, voilà, chasseur de primes, le chef de la guilde, il se fait attaquer, il se fait déchiqueter le bras, il dit bon, je vais mourir ici, puis t'as bébé Yoda qui le sauve. Alors, conclusion, c'est retournement surprise. Du coup, il veut plus le tuer, le Mandalorian, il veut l'aider. Il veut plus le tourner, donc, première facilité scénaristique pour toi, là. Voilà, c'est comme c'est pratique, quoi. Écoute, tu m'as soigné, allez, je vais tenir avec toi. Donc, je vais t'escorter jusque. Allez, je vais t'escorter. Donc là, il y a quand même du suspense parce qu'ils sont attachés. Je crois qu'il a mis les menottes et tout. Ouais, mais il les enlève comme ça, les menottes. Ouais. Donc il va voir le client, là. L'espèce de le mec avec ses cheveux blancs, là. Voilà. Donc là, encore une facilité scénaristique, que le bébé n'est pas dans le berceau, personne vérifie. Non, faut pas le réveiller. Ouais, t'es un super méchant, je suis sûr que t'en as rien à foutre de réveiller un bébé. C'est vrai que c'est vraiment un naze aussi, ça. J'ai trouvé ça pas terrible non plus. Ouais, ils ont carrément... Donc le bébé, Donc il est entre les mains de IG-11. Qui a été reprogrammé par Quill pour devenir un bon serviteur. Un robot médical. Soi-disant, ouais, c'est une espèce de majordome à la Alfred, un petit peu. Ouais, c'est Alfred robotique qui est là pour protéger le bébé. Voilà, il a une mission, faut protéger le bébé. C'est ça. Ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent dans une espèce de bar et puis il y a un assaut quoi, de l'Empire avec un. Ouais, le mec il appelle, il dit bon, c'est bon, on a le bébé, vous êtes sûr? J'ai pas vérifié et puis il se fait descendre. Voilà. Qui c'est qui se fait descendre des jours? Le vieux avec ses cheveux gris, là. Ah oui, c'est vrai. Il tire de l'extérieur. Ah, il meurt comme une merde. Ah, comme une merde. Rex, il mourrait mieux. J'en doutais que t'allais parler de Hux, la mort la plus ridicule de l'histoire du cinéma. Égalité avec Slipknot. Tu vois, donc, on va faire une petite parenthèse avec Pinto tout à l'heure. Donc voilà, donc le mec, il meurt comme une merde. Là, il y a tout un escadron qui est dehors. Ils sont 300 ou je sais pas combien. Ah, ils sont beaucoup. Hein. Le mec arrive, il est bon. Il y a un TIE fighter qui arrive. Ouais. Le gros méchant, le vrai méchant, il arrive et il se dit bon, je vais vous laisser toute la journée pour réfléchir. Et puis, bah, je reviendrai ce soir. Salut les mecs. C'est quoi? Attends, tu peux tous les flinguer? Et non, bah, je reviendrai ce soir. Allez-y. Le temps que vous vous organisiez pour trouver un plan. C'est ridicule, quoi. Ah, c'est ridicule. On dirait que le scénario, il savait même plus quoi faire avec le scénario. Ça part en couille totale. Alors, t'as deux stormtroopers qui vont chercher le bébé. Ouais. Et ils s'arrêtent 2 kilomètres avant la ville pour tirer à côté d'une cible. Ouais, alors là, il y a aussi une référence à Retour du Jedi avec les scoot bikers. Ouais. Les espèces de motos, là, qui vont à 100 à l'heure, là. D'ailleurs, t'as remarqué dans le Jedi, ils sont vachement habiles, hein, pour éviter les arbres. Ouais. C'est le truc impossible aussi, là. Ah, purée. Non, puis surtout que, bah, je veux dire, les mecs, ils récupèrent le bébé, et ils viennent pas en ville. Donc ils tuent Quill, parce que Quill, il meurt. Et ils tuent Quill, ouais. Ouais. Puis, bah, après, ils attendent, le temps que le robot arrive, quoi. C'est vrai que c'est ridicule aussi, ça. Donc le robot qui, entre-temps, il a quand même repris les flingues. Parce qu'il était pas programmé pour tuer non plus. Non, ouais, bah, entre-temps, bah, je sais pas. Il a retrouvé ses instincts de tueur, quoi. Ouais, puis bah, il massacre les deux troopers. Ouais, mais carrément, là. Puis après, il se dit... Mais c'est ridicule, c'est long. C'est long, cette introduction avec les deux, là. Ouais, puis il se dit... bah, j'écoute. Puis en plus, il tape sur le sac, là, sur ce gamin, là. Ouais, voilà. T'as le truc, et il faut surtout pas le blesser, parce que l'Empire en a besoin. Il fout des coups de poing. Et lui, il tape dessus. On aurait dit deux Mongols, quoi, tu vois. excusez-moi du terme, mais bon. On aurait dit deux policiers municipaux dans les caricatures, tu sais. Ouais. On aurait dit ça. Mais vraiment, des deux débiles de Stormtrooper, quoi, tu vois. Mais c'était vraiment nul, cette introduction. Ah, puis après, t'as le robot, il va tranquille. Je vais massacrer tout le monde, je fais diversion. Et puis, il arrive, et puis t'as l'autre avec son gros canon, là, tu sais, parce qu'ils ont ramené un gros canon aussi, là. Ils ont ramené un gros canon. Ouais. Alors, ils ont ramené un gros canon, ils le branchent. Donc, hein, voilà. Ils disent, bon, allez, à ce soir, on viendra, on va tout défoncer. Et après, ils laissent sans surveillance. Et du coup, t'as le Mandalorian qui s'en sert derrière. Hop, ils se retournent contre eux, puis tout va bien, quoi. Oh, putain. C'est vrai que il était pas terrible ce double épisode. Ah non, là c'était. Enfin, tu te dis, mais qu'est-ce que vous foutez, les qu'est-ce mecs qu'ils foutent, là. Qu'est-ce qu'ils foutent. Bon, on aurait dit qu'il y avait une espèce. Un peu comme dans Star Trek Discovery, tu sais, le dernier épisode de la saison 1. T'avais l'impression que c'était. Ouais, mais bon, ils sont enfermés et tout, mais on s'en bat les couilles, on va trouver un truc. Enfin, tu vois, c'est. Et puis surtout, t'as le gros méchant, il se barre, quoi. Enfin, je veux dire. Le canon est prêt, je me casse, à demain. Il se barre avec son vaisseau, donc évidemment, il reçoit, comme par hasard, le jetpack de la part de la murière, là. Mais ça, c'est encore après, ça, c'est encore à la fin. Ouais, non, c'est avant qu'il saute sur le vaisseau. Ah non, mais non, mais moi, je parle même pas d'il saute sur le vaisseau. Ah, t'es pas arrivé encore là, toi. Ah non, mais le mec, enfin, je veux dire, après, le monde, il arrive à faire diversion, le robot, il fait diversion, il tire sur tout le monde. Donc, il se barre par les égouts. Donc, le robot, il arrive à massacrer la moitié de l'escouade. Ouais. Alors, c'est-à-dire, après, le Mandalorien, il sort, il tue tout le monde avec le canon. Ouais. T'as le seul mec tranquille, c'est, je veux dire que c'est un Sith, enfin le gros méchant, là, qui tire sur la batterie. Tu parles de, je crois que c'est Gideon qui s'appelle, un truc comme le mauve Gideon, Il tire sur la batterie, donc le Mandalorien, il se fait déclater la tête, quoi. Il tire derrière, ouais. Donc du coup, il se retourne à la cantine. C'est là qu'il enlève son casque. Là, il enlève son casque, il dit, je vais mourir, le robot, tire. Bon, bah écoute, je te mets des bactéries. Ouais. Voilà, tu vas pas mourir, bon, je reste avec toi 5 minutes, et tout le monde se barre dans les égouts. C'est vrai qu'il était à 2 doigts de mourir quand même. Hein. Il y a 2 doigts de mourir, là, tu lui fais un pchit dans après, la gueule. Après, le mec, il meurt. Après, non, mais après, le mec, il bondit sur le vaisseau et tout. Et ouais, parce qu'un quart d'heure après, ça va beaucoup mieux. Hein. Le mec, il court et tout. Ouais. Le mec, il a eu la tête. Il arrive à résister à la pression du vaisseau. Ouais, il y a un quart d'heure avant, il avait la tête à moitié arrachée. Complètement, il était naze pour moi. Et là, oh, ça va beaucoup mieux. Hein. Après, t'as l'espèce de Stormtrooper lance-flamme qui arrive, là. Ouais. Puis, je sais plus, il y en a un qui se sacrifie, je sais pas, dans cette scène-là. Ou bien c'est Yoda c'est encore le bébé qui intervient. Il fait une espèce de bulle. C'est le bébé qui protège tout le monde avec une espèce de bulle avec de la force quoi. Il fait une bulle de force. Ouais. Et du coup, le feu, il se retourne contre le mec et il meurt comme ça. Putain, dans l'Empire, ils ont rien appris en 40 ans. Ils ont pas de retraite, ces gens-là, parce qu'ils meurent vite. Ouais, donc il y a cette scène dans la cantina, là. Elle dure longtemps aussi, celle-là, je trouve. Après, ils descendent dans le... Parce que t'as le robot qui arrive, qui découpe la plaque. Ouais, il découpe la plaque au plasma. Puis il y a une espèce de rivière de lave, c'est ça. Voilà. Avec le robot, dans la rivière de lave. Avec le robot, là. L'espèce de R2-D2 intégré. À la Dwayne Johnson. Intégré. Et puis, pas de bol, bah, au bout, il y a l'Empire qui nous attend, quoi. Il y a l'Empire qui attend, ouais. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il y en a un qu'il faut qu'il sacrifie. puis comme par hasard, on le voit d'arriver de loin, C'est le robot. C'est IG-11 hein, qui va sacrifier parce que... Parce qu'on nous a fait un bon rappel au pré-générique que son fabricant, il tolère pas qu'il se fasse capturer, alors il veut s'auto-détruire. Donc, le fait que... Il retrouve un peu son instinct de tueur quelque part. Bah, sauf que voilà, maintenant il tue le bon côté, on va dire. Ouais. Enfin voilà, c'est tout. Ouais, c'est super facile. La facilité, tout. Facilité. Mais il y a eu des facilités en fait dans ce double épisode. Et après, ils arrivent quand même à se barrer. Mais le Mandalorien, entre temps, il va voir l'armurière qui lui donne le jetpack. Il lui dit quand tu seras prêt. Elle lui fait son blason. Parce que ça a l'air quand même assez difficile de maîtriser ce jetpack. Ouais, elle lui demande t'as fait l'entraînement du Phoenix? Ouais, une fois. Bon bah tiens, voilà un jetpack. Et après, le mec, il y a pas eu d'entraînement, il met le jetpack, puis il va directement vers le TIE Fighter. Un quart d'heure avant, il pouvait pas le mettre parce qu'il était trop faible. Ouais. Un quart d'heure après, il a fait un tour en barque, ça va mieux. Hein. Mais après, il s'accroche. Bon, j'ai bien aimé cette scène, hein, j'avoue que la vibe Star Wars, elle joue à fond dans cette scène. Hein. Il s'accroche. Il fait son cascadeur sur le truc, ouais, il met deux bombes sur l'aile, ouais. Et puis voilà, c'est parti. Ouais. D'ailleurs, ça me rappelle une autre scène, la scène du train du TGV dans Mission Impossible, où il met son... Je sais pas si tu l'as vu, celui-là. Oui, je l'ai vu. Quand il met le chewing-gum sur l'hélicoptère, à un moment. Ouais, chewing-gum explosif. Ouais, c'est ça. Ouais, le côté machin, puis il plie, puis... Ça pète. C'est exactement la même scène dans le Mandalorian pour moi. Ouais, sauf qu'il met pas de chewing-gum, il y a une bombe. Alors moi, j'ai cru vraiment qu'il se cassait la gueule et qu'il meurt le mec. Bah non. Mais en fait, non. En fait, tu vois, il découpe avec un sabre laser noir, apparemment. Qu'on voit dans... Il paraît qu'on le voit dans la série animée... Dans la série animée avec... Rebels ou l'autre, je sais. Ouais, Rebels, ouais. Star Wars Rebels. Donc ça existe. C'est un sabre laser que l'Empire a construit, apparemment. Donc il sort de là, puis c'est ça le dernier truc... Un personnage aussi peu intéressant, ils auraient pu le sacrifier pour moi. Ouais, bah ils ont bien sacrifié Snoke dans là, je suis sûr qu'ils vont le faire pareil avec lui. Ouais. Ça va pas être le vrai méchant. Donc, ils sont toujours par deux, ils vont. Hein. C'est sûr. Donc après, ben qu'est-ce qu'il décide, ben pour la deuxième saison, c'est qu'il va aller essayer de trouver un foyer pour bébé Yoda. Justement. Alors moi j'ai entendu, il va essayer de trouver la famille à bébé Yoda. Ah carrément. Bah ouais. Moi c'est plus une optique, il va les ramener auprès des Jedi quoi pour qu'ils le forment. Et il y aura peut-être une boucle après. ouais, tu vois, il y aura un saut temporel de 900 ans en arrière et puis avec Discovery. Non, je pense que son objectif maintenant c'est de ramener le gamin. Bah, ils sont, pas le gamin de 50 ans quoi. Ils disent une escouade, une faction. Bah bref, maintenant c'est une faction de deux. Tu vois, ouais. C'est les groupes de Mandalorian, c'est des factions. Mmh. Ils se protègent les uns les autres. Bon, ils sont quasiment tous morts là. Ils ont quitté le. Ah, ils se sont barrés. Ils se sont barrés. Parce qu'il y avait plein de cadavres à un moment quand tu rentres. C'est pas des cadavres, c'est les armures. Dans le sanctuaire. Parce que elle fait fondre une armure pour lui faire son blason, tu vois. Ah d'accord. Ouais. Bah, j'ai mal compris si c'est mort ou. Je crois que l'Empire, ils ont ouais. du fait qu'il y a eu la bataille dans l'épisode 2, là, ouais. À mon avis, ils les ont massacrés. Hein, mais bon, et elle a réussi à se sauver, je sais pas comment. Mais à mon avis, c'est peut-être lui le dernier Mandalorien. Hein. Ah, elle est encore vivante à la fin, elle. Hein. Ouais, on c'est va la ça. Retrouver. Ouais, donc elle est vivante. Le forgeron est toujours vivant. Ouais, parce qu'il y a une séquence de baston qui est pas mal d'ailleurs, je trouve. Ouais, elle est bien faite. Ouais, ouais. Que la femme se bat contre 3 ou 4 Stormtroopers, tu vois. Ouais, puis elle les massacre. Ouais, ouais. Mais c'est bien, parce que tu vois, les Mandaloriens, tu vois, elle est désarmée, elle a que... Putain, ça m'a fait penser à des communistes, elle a une faucille, une marteau. C'est vrai en plus. De Mandalore. C'est vrai en plus. ça fait très... Ouais. Puis elle arrive à leur niquer la gueule, quoi. Ouais. Voilà. Ils ont besoin de rien pour se battre. Hein. Ils sont très forts, hein. c'est quand même des guerriers. Et, ils savent se battre contre les Jedi. Hein. C'est parce que dans Boba Fett, il est pas mis en valeur dans la trilogie. Mais quand on lit un peu les romans ou les comics... On se rend compte qu'il n'y a aucun Jedi qui peut le stopper ou le mettre à genoux, quoi. La façon dont il meurt dans l'épisode 6, c'est complètement ridicule. En fait, c'est juste parce que Han s'est tourné, qui a donné un coup malheureux à Boba Fett. Bah ouais. Mais sinon, contre Luke, peut-être qu'il y avait trouvé un adversaire à sa hauteur, quoi. Peut-être aussi que, la force ou tout ça, ça n'agit pas non plus sur les Mandaloriens. Oui, il y a cette scène où ils font le bras de fer avec la guerrière. Ouais, et que Boomer, il essaye de petit, tuer la guerrière. Le petit, il commence à l'étrangler. Il dit, ouais, qu'est-ce qu'il fait, lui? Je dis, c'est un peu. Attention, l'étranglement, c'est un pouvoir du côté obscur. C'est pas un pouvoir du côté clair. Hein. C'est... Ah, il a pas de côté pour l'instant, le petit. Non, c'est pas. Et c'est pour ça que c'est hyper maladroit, parce qu'il maîtrise pas encore les facultés de la force, c'est pour ça. Quoique, mais ça arrange bien quand même le scénario qu'il sache guérir et puis il sache soulever des monstres et des trucs. Tu vois, c'est quand ça sert le scénario, en fait. Moi, j'ai cru qu'à un moment, il allait ramener le vaisseau, tu sais, un truc comme ça, tu vois. T'attendais vraiment des gros trucs, quoi, mais bon. Non, bah, dans l'ensemble, ça va. C'est vrai que les deux derniers épisodes ont beaucoup de faiblesses, plus de faiblesses que dans l'ensemble des autres séries. C'est rusher, le dernier épisode, et puis tu sais pas pourquoi ils passent autant de temps, enfin, je veux dire, ils savent qu'ils peuvent se barrer dans les égouts, puis ils attendent qu'il y a le robot qui arrive avec son plasma pour aller dans les égouts, alors qu'ils ont tiré sur les grilles d'aération juste avant pour se barrer. Ouais. Bah, tu comprends plus après, quoi. Ouais, non. C'est vraiment dommage, quoi, je trouve. C'est un peu du gâchis, moi, de terminer comme ça la saison. Tu vois, c'est un peu comme Star Trek Discovery. Hein. Ouais, c'est un peu rushé. Le dernier épisode, il est mauvais, hein, mais bon. Ouais, c'est rushé. Ouais, ouais. Alors qu'ils pouvaient très bien faire une saison en 10 épisodes, par exemple, tu vois. Bah, après, ils sont peut-être pas trop pris de risque. Ils se disent, on va déjà en faire 8, on verra si ça marche. C'est vrai que les spin-offs avaient quand même échoué au box-office, notamment Solo, qui n'est pas très bien vu. Donc ils ont fait cette tentative à la télévision, qui a réussi. Là, ils vont lancer la série sur Cassian Andor et puis celle sur Obi-Wan. Attention, car au fanservice, parce que si c'est blindé de fanservice, ça va être très beau. Ça va être un petit peu irritant, quoi, quelque part. Hein. Ah voilà, quoi, on va peut-être terminer, parce que sinon, je crois qu'on va tourner en rond. Bah, on a fait le tour, là. Mais de toute façon, on a fait quelques spoilers, mais il y a encore plein de choses à découvrir quand même en regardant la série. Ouais, il y a plein de choses à voir. Il y a des bonnes choses. On a oublié des trucs et tout. On s'est lâché sur le dernier parce qu'ils l'ont rushé, mais sinon, dans le reste de la saison, enfin, je veux dire, si vous aimez les space opéras, vous allez aimer. Et si vous aimez les westerns, vous allez aimer aussi. Donc, par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de batailles spatiales. Moi, je trouve que ça manque un peu. Il y a des batailles qui sont du coup beaucoup plus crédibles. Quoi. Ouais. On est plus dans le 1 contre 1, ou enfin le côté un peu guerrier sur les planètes, tu vois. On n'est plus vraiment dans le space opéra, on est vraiment dans le western galactique. Quoi, ouais, c'est pas un western spaghetti, c'est un western galactique. Ouais, c'est ça, voilà. Tout à fait. Hein. Puis on va conclure sur ces bons mots. Telle est la voix. Telle est la voix. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle pastille.